Eh bien, nouvelle contribution. Bonjour Louve Blanche. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Alors, moi c'est Louve Blanche, je suis rôliste, principale caractéristique. Je joue depuis environ, pouf, 16 ans, 17 Ah ouais, quand même. ans. Oui, je suis une vieille. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, je te rassure, c'est moi qui le dis. Mais du coup, grosse question, Mais oui. Louve Blanche. Ta-da-da-da-da. Qu'est-ce que pour toi un jeu pardon, alternatif? Alors, un jeu alternatif. Quand j'ai lu la question la première fois, je me suis dit, jeu alternatif, c'est tous les trucs en gros qui sont un peu, tu sais, c'est un peu comme le cinéma. T'as le cinéma hollywoodien que tout le monde connaît, ça, je dirais, c'est le mainstream. Et puis après, t'as d'aller, par exemple, à l'époque chez moi, on allait au Rex. Puis au Rex, t'as les cinémas, les films indépendants. Du coup, je me suis dit, c'est un peu comme ça, c'est un peu la même chose. Puis, après, j'ai un peu été regarder, et puis je me suis un petit peu informée. J'ai un peu été lire d'autres définitions au final. Par exemple, sur le site internet de courant alternatif, ta-ta-ta. Et j'ai découvert plein d'autres définitions avec lesquelles, au final, j'étais un peu tout d'accord avec. C'est-à-dire, il y avait le truc du mainstream, justement. Mais il y avait également tous les aspects simplement qui sortent de l'ordinaire, que tu as pas tout le temps, qui sont simplement des éléments qui ont été transformés, donc des éléments mainstream qui ont été légèrement détournés ou modifiés. Mais au final, pour moi, la base reste quelque chose de mainstream. Mais pourtant, comme ça a été modifié, ça en devient finalement alternatif. Et donc, du coup, la définition en tant que telle d'alternative, à mon avis, est gigantesque et c'est extrêmement subjectif. D'où le fait que ce podcast est hyper intéressant. Merci. Parce que je pense que toutes les comp... Mais je t'en prie, c'est avec plaisir que je passe de la pommade. Et du coup, en fait, je pense qu'il y aura autant de définitions que de participants. Et pour moi, disons, ma définition que je dirais la plus proche, c'est quelque chose, un jeu qui me sort de mon quotidien. Donc tu me diras, ouais, mais c'est hyper vague. Absolument, c'est extrêmement vague, parce qu'au final, cette définition, elle peut autant s'appliquer à un univers qui est différent de ce que je rencontre d'habitude. Elle peut autant s'appliquer à un mode de jeu que ce qu'on rencontre d'habitude ou à ce que je joue d'habitude. Parce que par exemple, pendant la quarantaine, j'ai découvert les GN vocaux. Alors, je fais du GN en IRL parce que j'adore ça. Mais là, j'ai découvert tout d'un coup un GN vocal et j'étais là, c'est quoi ça, un GN vocal? Comment tu peux faire un GN vocal? Et je trouve ça génialissime. Et typiquement, pour moi, un GN vocal est considérable comme alternatif. Parce que c'est pas le truc que tout le monde connaît, parce que quand on dit GN, en général, disons, les rôlistes connaissent. Mais quand on dit GN vocal, moi, toutes mes connaissances, quand j'ai dit que je faisais du GN vocal, je suis désolée, je suis pas libre, j'ai un GN vocal. Mes amis qui sont rôlistes me faisaient, tu nous fais quoi là? Ça va? Ça va la tête? La quarantaine, t'as un peu. Voilà, elle t'a fait péter les neurones. Et donc, du coup, j'ai dû expliquer le concept. Et il y a même dans les GN vocaux, il y a autant du GN solitaire, donc que tu peux jouer avec toi-même. C'est assez particulier, hein, mais c'est hyper intéressant quand même. Et autant tu as des GN de groupe, où un des GN que j'ai fait, c'était on était des explorateurs de l'Himalaya. On avait fait, c'était Dr Yes qui avait organisé tout ça, et c'était absolument fantastique, avec différentes salles de chat pour créer les différentes tentes et tout. Et ces GN vocaux peuvent autant être joués justement en IRL que en vocal. Et il y a l'ambiance avec le son qui se met aussi, donc ça joue vraiment énormément aussi sur l'ambiance, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les gîtres normaux, disons. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour moi Moi, je vais le avoir une truc question. alternatif, une définition vague, mais qui pour moi touche à tout ce que... tout ce à quoi je joue. J'avais une question à te poser, très, juste pour, pour développer un peu, bon, même si on est arrivé à 5 minutes à peu près. Quand tu disais qu'il va te changer de ton quotidien, est-ce que les jeux qui jouent sur le quotidien, ça rentre pas dans la définition du coup? Genre par exemple, mettons qu'on fasse un jeu sur la vaisselle ou je dis n'importe quoi. Alors tu vas rigoler, mais ça rentre aussi dans ma définition parce que par exemple, j'ai joué à Paris Gondo, qui est basé sur le livre de Marie Kondo au niveau du rangement. Donc là, tu donnais l'exemple de la vaisselle. Et ben là, moi, j'ai joué à faire du rangement. Et c'est absolument, c'est hilarant parce que, en gros, si tu veux, en général, quand tu vas, par exemple, imagine un donjon de Nalbeuk. Là, tu pars à l'aventure. T'es là, ouais, et tout. On va taper du monstre. Bah, ben, en fait, là, le Paris Kondo, c'est en gros. T'as déjà passé toute ton aventure, t'as tué les boss, t'as looté une pété de trésors et tout, c'est fantastique, t'es hyper heureux. Et maintenant, tu dois choisir ce qui va passer dans ton sac. Et tu es dans la merde, parce que tu peux pas tout porter. Parce que suivant comment, bah, t'es un nain, t'es un gnome, bah voilà, t'as pas un sac gigantesque et t'as surtout pas la force pour tout ramener chez toi. T'es un ogre, ah bah t'as plus de place tout d'un coup. Mais par contre, y a pas tout qui t'est utile. Donc, toute la discussion en fait tourne autour de ça et c'est très très drôle au final. Donc finalement c'est du rangement, hein, mais c'est pas comme on s'y attend. Et j'ai aussi fait un autre jeu qui était plus dans le réel où on était des pilotes de course. Alors bon, celui-là malheureusement on l'a pas terminé, mais le début en tout cas du GIDR, enfin du GN Vocal là pour le coup. Il était finalement basé sur des trucs très réels. C'était la vie réelle de pilote de course. Et j'avais été chercher pendant la partie, pour vraiment, enfin, et avant la partie aussi un peu, des termes techniques pour être vraiment dans le personnage et pour essayer de pouvoir placer des éléments historiques aussi, etc. Mais au final, je ne suis pas pilote de course dans la vie. J'aimerais bien, hein, mais je n'ai pas la vision 3D. Alors même pilote de ligne, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, ça reste que ça sort de mon quotidien. C'est pas moi. Donc oui, ouais, ça fonctionne aussi. Donc un autre système de jeu, un autre environnement, un autre pays, des autres paysages, une autre ambiance. Fantastique. Une autre époque, des autres époques, voilà. Ça peut être autant fantasy, autant fantastique, autant réel. Du moment que c'est pas dans mon environnement proche. C'est surtout ça. Ok. Du coup, qu'est-ce que toi, tu vas chercher dans ce type de jeu, du coup ? Je pense qu'on a un début de réponse avec ce que tu disais avant. Alors, bah, en effet, c'est de sortir de mon quotidien et c'est de me faire rêver. Ça ne veut pas dire de me faire voir forcément des belles choses. Hein. C'est un peu comme la question de l'art. C'est est-ce que si on trouve ça horrible et moche et que ça nous fait mal au cœur de voir un truc pareil, est-ce que c'est toujours de l'art ou pas ? Moi, je te dirais, tant que ça te fait ressentir quelque chose, c'est de l'art. Donc, pour moi, un jeu de rôle, c'est censé me faire ressentir quelque chose. C'est censé... Enfin, j'aime pouvoir m'incarner dans un personnage. C'est aussi pour ça que j'adore les GN. Et du coup, ben, c'est simplement ouais, me faire sortir de mon quotidien sans avoir besoin de payer des prix exorbitants, sans avoir besoin de tout changer ou de devoir faire plein de kilomètres ou voilà, et puis de rencontrer des gens aussi qui pensent différemment. Qui pense, je vais prendre un anglicisme très moche, out of the box, voilà. Donc, qui finalement aussi te donne des idées. Et moi, ça me booste la créativité, en fait, d'entendre d'autres personnes avoir des idées complètement loufoques ou complètement ahurissantes que j'aurais jamais eues. Ou, par exemple, bah, j'ai aussi des fois des idées ahurissantes ou complètement bizarres. Et puis, c'est les autres qui sont là. Mais t'es arrivé comment sur ce truc, machin bizarre? Voilà, et c'est un échange au final de créativité et de construction commune. Donc c'est un lien. Un petit dernier mot pour la route, on arrive ouais, au terme des 10 minutes. Même si vous avez l'impression qu'un jeu de rôle est pas est vraiment bizarre ou bien est pas tout à fait ce que vous jouez en général ou comme ça, Moi, je vous dirais, testez-le au minimum une fois, parce qu'un jeu de rôle dépend de joueurs, dépend d'un système et dépend d'une histoire. Et du coup, s'il y a un des trucs qui va pas, bah peut-être que vous aimerez pas le jeu de rôle, mais par contre, peut-être que vous le faites une deuxième fois et ça va fonctionner. Donc, moi, je vous dis, testez, et après, ben, on en reparle, quoi.